La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'art et de la forêt. On parlait avec Bruno Boudreau de l'actualité dans le monde du baseball. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, je vais commencer avec un article de ESPN. C'est Buster Olney qui est probablement un des meilleurs chroniqueurs les plus crédibles en Amérique du Nord sur le baseball. Buster Olney est allé d'un article cette semaine sur le site de ESPN où il mentionnait qu'il y avait beaucoup plus de substitutions de lanceurs. Ça, on le savait déjà, mais les lanceurs lancent des balles à 100 000 à l'heure maintenant. Ça, on le savait aussi. Il y a beaucoup. Mais tu sais, le baseball a changé beaucoup au cours des dernières années. Puis je pense qu'il y a même 2000 substitutions de plus qu'en 2009, en 2017. Ouais. Ce que ça veut dire, là, c'est que des frappeurs de 3000 coups sûrs comme Albert Pujols, puis des lanceurs de 300 victoires, puis des lanceurs de 200 manches, ils vont en avoir de moins en moins. Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'éléments, puis tu m'as partagé l'article cette semaine, ouais. Puis juste un petit point d'entrée de jeu aussi, je me suis récemment, j'ai reçu ça à mon anniversaire en abonnement pour The Athletic, puis okay. C'est très, très intéressant le contenu qu'on peut y retrouver, puis j'y avais un article en même temps cette semaine qui est publié par Jason Starr, qui est un ancien aussi d'ESPN, qui est maintenant pour The Athletic, puis okay. C'était un peu le même sujet. En fait, c'était de regarder un peu c'est quoi les solutions? Parce que, tu sais, on le sait, comme tu as dit, il y a de plus en plus de substitutions de lanceurs, on amène de plus en plus de releveurs. On sait que le baseball aussi essaie d'attirer du monde. On en a parlé en début d'année, hein, le fait que les assistances étaient en baisse, que la population, la démographie faisait en sorte que l'âge moyen du partisan de baseball dépasse la cinquantaine. On a de la misère à attirer les jeunes. Puis là, les matchs allongeaient parce qu'il y a plus de rétro bâton. Puis il y a moins d'action parce qu'il y a moins de frappeurs qui frappent la balle en jeu, parce qu'il y a des mouvements défensifs, parce que justement les releveurs arrivent puis lancent 97, 98, ouais. 99, puis il y a des rétro-bâtons. Donc, tous ces éléments-là mis en commun, pardon, amènent la question aussi, c'est quoi les solutions qui peuvent être amenées par rapport à ça? Parce que tu l'as dit, le problème, il est là. Je pense qu'il a été bien identifié, puis on le voyait venir depuis plusieurs années. Mais c'est quoi tu peux faire pour régler la situation où que tu dis, bon, les joueurs maintenant tentent de mettre la balle le plus possible avec un angle dans les airs. Je voyais dimanche dernier, lors du match du dimanche soir, il y a eu un arrêt de pluie, puis il y avait une entrevue d'Alex Rodriguez avec Chris Bryant des Cubs de Chicago. Okay. Et Chris Bryant disait, moi, j'ai pas changé mon approche. J'essaie toujours de frapper la balle vraiment sans essayer de la lever. Mais de plus en plus de joueurs vont tenter de lever la balle un petit peu plus dans les airs parce que ça leur permet de déjouer justement les ajustements défensifs et tout ça. Puis ça fait en sorte qu'en voulant frapper un peu plus fort puis un peu plus dans les airs, puis les lanceurs lancent un peu plus vite, ils ont moins de temps de réaction, il y a plus de retrait au bâton, puis en bout de ligne, ben ça n'a pas trop d'impact sur les contrats. Fait qu'il y a une tendance qui s'installe comme ça. Puis est-ce que il y a vraiment une solution à court terme pour amener ça? Je pense pas, mais est-ce que ça l'a brisé le baseball comme Buster Olney l'amène? Je trouve que c'est peut-être allé un petit peu loin. Mais tu peux pas dénaturer le baseball. Tu sais, l'histoire d'un compteur, l'histoire de... Peut-être mettre un coureur au troisième ou au deuxième. Je sais que ça se fait en prolongation. Je sais que ça se fait dans le baseball mineur. Mais moi, je trouve tellement que c'est dénaturer le sport. Coudonc, il n'y en a pas vraiment de solution pour raccourcir les matchs. Là. C'est du baseball. En fait, c'est du baseball. Le baseball, c'est un sport qui n'a pas de compteur. C'est ça. Puis le baseball, c'est un passe-temps aussi. T'sais, c'était vu comme ça. C'était un moment où tu allais au parc en famille. Ouais. Je pense que les équipes qui ont emmené ça dans leur marché. Puis, évidemment, ça fait toujours du bien d'avoir une équipe gagnante, là, mais les équipes qui ont vraiment travaillé là-dessus, sur justement amener des familles avec des promotions, tout ça, c'est eux qui ont réussi à renouveler leur base de partisans. C'est sûr que jouer dans un dôme, jouer comme à Tampa Bay, dans un dôme qui est fini, alors que tu as une température dans le sud, ben c'est toutes des choses qui, d'après moi, devraient être beaucoup plus adressées à court terme que commencer à penser, à regarder au niveau du match en lui-même. Puis l'autre chose aussi, c'est aux joueurs aussi à s'adapter. On dit souvent, OK, il y a moins de coups sûrs parce qu'il y a plus d'ajustements défensifs. On met trois, par exemple, joueurs du même côté de l'avant-champ contre un tel frappeur. Ben, dans ma tête, c'est au frappeur à frapper au champ opposé. Puis si jamais ça fait en sorte qu'il n'est pas capable de le faire puis qu'au bout de l'année, il frappe pour 210 puis ça nuit à ton équipe, ben, il devrait plus avoir de contrat. Puis il y a un autre joueur que lui, dans les mineurs, va s'habituer à aller frapper la balle au champ opposé, va avoir une place. Puis c'est comme ça que le sport évolue, puis de façon naturelle, comme ça a toujours fait. Il y a eu des airs de rétro bâton, il y a eu des airs de puissance. Là, on vient vers un air où les lanceurs sont plus dominants. Puis l'autre chose qu'il faut jamais oublier, Dan, c'est que les lanceurs, là, c'est la moitié de l'association des joueurs. Fait que commencer à penser qu'il va y avoir des changements sur le monticule, reculer le monticule, changer les coutures sur les balles, oublier ça. Jamais que ça va passer du point de vue de l'association des joueurs. Puis je suis même sûr que les frappeurs sont d'accord avec ça. Ça vient dénaturer le sport. Puis tu sais jamais dans 5, 10, 15 ans quel genre d'impact négatif que tu peux amener. Je pense que le baseball devrait beaucoup plus travailler justement à ce que ce changement-là se fasse naturellement par les stratégies, par la façon de recruter les joueurs pour combattre ces choses-là, puis s'adapter que par des changements. D'ailleurs, si on regarde les 10 derniers champions de la série mondiale, il n'y a pas grande équipe qui a mené la ligue en retrait au bâton qui a gagné le championnat. Fait que oui, ça c'est bon de frapper des circuits, puis ça peut te permettre de gagner des matchs, mais quand vient le temps de gagner le championnat dans les séries, les équipes qui gagnent, c'est encore celles qui font le moins de retrait au bâton, puis ça n'a jamais changé depuis que le sport existe. Mais Bruno, là, ce que je voulais en venir, c'est le 3000 coup sûr. Burt Pujols a frappé son 3000e coup sûr, c'est vendredi soir dernier. Le prochain, on a vu, c'est Miguel Cabrera qui s'approche à 2600. T'as Robinson Cano qui est à 2400. Il y a quelques coups sûrs, là, j'arrondis. Tu sais, quand t'as un lanceur de relève en 6e, en 7e, en 8e manche, ça devient. Ton lanceur est plus frais. Il lance des balles à 100 000 à l'heure. C'est là que je veux en venir. Des frappeurs de 3000 coups sûrs, on va avoir de moins en moins. Puis 300 victoires également, on va en avoir de moins en moins. Ben, 300 victoires, on voit plus ça depuis 15-20 ans. Là, on voyait Randy Johnson, t'as eu Randy Johnson qui l'a eu? Ouais, ben, en fait, c'est dans les derniers, là, des Mohicans. S'il s'est rendu, je me souviens plus s'il s'est rendu, mais c'est dans les derniers lanceurs qui vont passer proche. Parce que dans le fond, ça prend toujours la règle que pour ta victoire, il faut que tu aies lancé au moins 5 manches, puis bon, etc. Puis maintenant, les lanceurs, là, quand ça va moyennement bien en 4e manche, puis l'équipe mène par 3-4 points, ils vont les laisser là. Mais si c'est plus serré que ça, souvent en 5e, les changements s'amènent. Des fois, le match était à égalité. Fait que ça, la statistique vient changer, puis les lanceurs qui lancent 200 manches et plus, on en voit de moins en moins aussi, parce que il y a aussi la protection des bras et tout ça. Pour ce qui est des frappeurs maintenant, ça va devenir plus l'exception. Je vais te donner un gars qui devrait normalement atteindre le 3000 coups sûrs s'il reste en santé. C'est un gars comme Jose Altuve. C'est un gars comme ça qui frappe son 200, 225 coups sûrs par année. Lui, il devrait pas avoir de problème normalement à se rendre à 3000. S'il joue 15 saisons de productive, c'est pas un problème. Mais l'enjeu vraiment de ce que tu as mentionné, c'est que moi, je viens de te nommer un joueur. Ouais. Tu sais, là, 15-20 ans, tu aurais pu nommer 10, 15, 20 joueurs qui étaient en route pour le 3000 coups sûrs. Là, maintenant, je peux t'en nommer un. Il y en a 32, je pense, dans l'histoire. 32, 33 dans l'histoire du baseball, là, des 3000 coups sûrs. C'est ça. Fait que, tu sais, des gars qui vont s'approcher, on va plus voir, tu sais, la norme va devenir plus, on va dire qu'un 2000 ou un 2500, ça va être vraiment un exploit. Puis, je dis pas que 3000, c'est pas un exploit, c'en est un, mais c'est quelque chose qu'on avait tendance à voir de plus en plus, plus en plus souvent arriver. Surtout, on a vu une période où il y en a eu plus, des 3000 coups sûrs, les années 80-90, on a vu des joueurs l'atteindre. Puis là, ça va décliner, mais en même temps, t'en avais moins aussi des années 60 quand les lanceurs dominaient. Fait que, tu sais, là, les lanceurs dominent, puis en contrepartie, les frappeurs ont moins de coups sûrs. Puis éventuellement, ben, ça, c'est toujours un balancier qui change. Fait que, comme tu disais, l'entrée de jeu, changer le règlement pour accélérer le match, puis venir toucher à cet équilibre-là. Moi, je suis à la même place que toi, je suis pas d'accord avec toi avec ça. Série Red Sox-Yankees, ça vient de prouver, garde, que c'est deux. T'as deux équipes qui sont d'apport dans la division S. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Écoute, cette semaine, ça a été. C'était des bons matchs pour ceux qui ont regardé ces matchs-là. C'était des matchs serrés. Les deux derniers jours, ça s'est joué jusqu'à la toute fin. Puis les Yankees ont montré une chose. Au début de l'année, tu t'en souviens, Dan, quand les Red Sox sont partis en feu, on s'est dit, les Yankees, il faudrait qu'ils se réveillent rapidement parce que, tu sais, il ne faut pas qu'ils laissent les Red Sox s'éloigner. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné 14 matchs sur 15. Fait que moi, j'appelle ça se réveiller comme il faut. Puis quand je regarde les deux formations, je pense encore comme en début d'année que les Yankees ont une meilleure équipe un petit peu que les Red Sox, mais ça reste deux équipes. Tu sais, c'est un peu. La comparaison est un peu boiteuse parce que je voudrais pas faire une comparaison au hockey, mais quand je regardais des fois les matchs entre Winnipeg et Nashville, je me disais, mon Dieu, que le Canadien aurait de la misère dans ces rencontres-là. Mais sans dire que les Blue Jays sont au niveau du Canadien, c'est pas ça que je veux dire, mais quand tu regardes certaines rencontres comme les rencontres qu'on a eu le droit les deux derniers jours entre les Yankees et les Red Sox avec les coups sûrs à gauche, à droite, les circuits, tout ça. Oui, Toronto, l'équipe marque des points, mais le personnel de lanceurs est dans le dernier tiers. Il en arrache tellement. 30e. Oui. Fait que tu te dis comment c'est personnel de lanceur-là. Si tu fais arriver, par exemple, une série en fin de semaine contre Boston, tu as une série de trois matchs. Il va falloir que ton lanceur te vole un match parce que les Red Sox frappent et tout ça, puis ils sont sur des bonnes séquences depuis un bout. Là, tu te dis, bon, OK, les Blue Jays frappent aussi, mais en bout de ligne, frappe pour frappe, ça va être le lanceur qui va faire la différence. Puis à ce moment-là, ben les Red Sox et les Yankees présentement lancent mieux que Toronto. Donc, quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, oui, Toronto se maintient toujours dans une course meilleure deuxième, puis ils sont là. Mais ce qu'on se dit en début d'année que les Red Sox et les Yankees étaient peut-être une petite coche en haut, c'est ben, une série, grosse comme coche. Cette semaine, on l'a vu, là, c'est ça, la coche est grosse. Oui, la coche est grosse. 30e dans le. C'est incroyable la rotation des lanceurs par terre. On va parler des Blue Jays, justement. Roberto Osuna l'a échappé complètement. Puis c'est pas le premier joueur. Il y avait une série d'articles. Cette semaine, on a énuméré les joueurs. Puis ça va dans ce que le sport professionnel veut faire. T'sais, Ray Rice a été suspendu pour violence conjugale aussi. Donc c'est bien correct. Oui, puis au baseball, on a eu des gars comme Aroldis Chapman, ouais, entre autres, qui avaient été suspendus. Puis là, dans le fond, c'est la politique commune. C'est-à-dire, on fait une enquête à peu près une semaine. Une enquête que le baseball majeur va mener pour déterminer qu'est-ce qu'ils font comme sanction, qui est totalement à part de l'enquête d'un point de vue légal. Il y a une poursuite et tout ça qui devrait se... Je pense qu'il va être devant un tribunal au mois de juin, Roberto Osuna. Donc, il est au moins suspendu une semaine. Ouais. Puis après ça, 18 juin, on aura la suite des choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la tolérance. Tu sais, puis des fois, on entend le mot « tolérance zéro ». Mais là, c'est tolérance 0-0-0. Il n'y a comme plus aucun écart de conduite. Puis on disait d'entrée de jeu que le baseball a de la misère à renouveler sa base de partisans. L'approche que le baseball doit prendre puis que le sport essaie de prendre de plus en plus, c'est d'amener toujours l'aspect familial de la chose. Si tu veux renouveler ta base de partisans, il faut que les jeunes de 10-15 ans, ce soit le sport, leur vedette, puis tout ça, auquel ils s'identifient. Puis c'est comme ça que tu renouvelles ta base. Puis tu les accroches, puis qu'ils deviennent partisans, puis qu'après ça, ils consomment le produit quand ils commencent à travailler. Puis c'est un peu comme ça que le cycle a toujours fonctionné dans le sport. Fait que le baseball, dans plusieurs marchés qui fonctionnent, comme je disais d'entrée de jeu, l'approche, c'est vraiment une approche familiale. Fait que ton point, c'était super bon tantôt, comme quand tu as dit, il y a plus de tolérance. Ben c'est ça, c'est tolérance zéro dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Puis en même temps, en tant que société, il faut pas qu'on tolère ça du tout. Fait que je trouve que l'approche est bonne en même temps. Je lisais les commentaires des gens au niveau de l'organisation des Blue Jays. C'est sûr que le monde est déçu. Puis en même temps, ils attendent de voir un peu les résultats de l'enquête parce que ça reste qu'eux autres, ils tissent des liens plus personnels avec l'individu. Fait qu'on ne sait pas si qu'est-ce qui est arrivé, puis les circonstances et tout et tout. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'ils ont pris la bonne décision de le suspendre, autant le baseball majeur que les Blue Jays, parce qu'il n'y a pas de tolérance qui est acceptée dans des situations comme ça dans la société maintenant. Puis là, du côté des Jays, ça l'amène un certain... Ben, heureusement, ils sont allés chercher de la profondeur. Tu sais, je plains beaucoup Ross Haskins. Moi, il ne m'excite pas du tout, là, encore aujourd'hui. Là. Sauf qu'il est allé chercher beaucoup de profondeur en relais, puis là, ça paye. Parce que là, on a nommé Ty Clubart, qui a déjà fait la job, je pense, avec les Nationals de Washington. Il y en a un autre qui s'appelle Ho, qui est avec les Diamondbacks de l'Arizona. Je pense qu'il en a sauvé 20 l'an passé. Jordan Axford est capable également de sauvegarder quelques matchs si c'était là. Heureusement qu'ils ont de la profondeur. Et sur une courte période, je pense que sur le terrain, ça se fait pas trop sentir. Ben, ton point est bon aussi parce que, tu sais, ces gars-là, puis tu parlais de Ho aussi, il a été le releveur numéro 1 avec les Cards de Saint-Louis aussi. Puis, tu sais, c'est des joueurs comme ça qui ont déjà l'expérience de la fin de match. Souvent, de plus en plus, il y a beaucoup d'études qui disent que, bon, finalement, est-ce que le rôle de releveur numéro 1 est surévalué? Puis, bon, il y en a qui vont dire, ben, n'importe qui peut faire le travail. Il y en a qui vont dire, non, ça prend un certain make-up de player pour être capable de faire ce travail-là. Puis dans le cas des Blue Jays, je pense qu'on a la bonne combinaison des deux, c'est-à-dire on a des bras qui sont encore performants, puis on a des gars qui ont déjà fait le travail. Fait que si tu as à supporter une perte d'un gars comme Osuna pendant deux semaines, un mois et demi, mettons maximum, tu seras capable de te débrouiller, pas tant pis, puis parce que tu sais, faut pas oublier qu'Osuna l'an passé a eu des problèmes aussi, puis il y a eu des situations où il y a eu des sabotages, donc ça va arriver au cours d'une saison. Fait que tu peux t'en sortir, mais plus long terme que ça, ben là, c'est des joueurs qui s'en vont jouer ce rôle-là. Fait que là, tu viens de prendre un gars qui met la table, tu l'envoies neuvième. Fait que là, ton gars qui met la table, il s'est rendu qu'il y en a juste deux. Fait que ça t'en prend peut-être un autre. Fait que là, c'est ton gars de la septième qui monte. Fait que tu sais, tout le monde bouge de chaise. Puis c'est comme tu dis, ça peut marcher sur une courte période, mais sur une longue période, oui, la profondeur, c'est bon, mais ça reste que dans l'ensemble de l'œuvre. Ton personnel s'affaiblit. Puis comme on a dit tantôt, les lanceurs partants arrachent tellement que sur une longue période, ça va être difficile pour les Blue Jays de combler une perte comme ça. Après moi, il est blessé. Estrada l'a pas du tout. Ah, c'est coup-ci, coup-ça. Garcia, on le savait que c'était un cinquième partant, pas plus. Ouais. Il y a Sanchez qui est pas trop mal, mais le reste, ouf, ça non, regarde, c'est très, très, très, très, très, très, très laborieux. Puis le problème qu'on a, Dan, en conclusion avec ça, c'est que est-ce qu'on voit, parce que tu sais, je sais que toi, tu suis beaucoup l'actualité des Blue Jays puis du baseball mineur, mais on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup, puis avec raison, de Vladimir Guerrero, mais est-ce qu'on voit un lanceur numéro un potentiel dans l'organisation des Blue Jays, en quelque part? Il y en a, il y a Sean Reed Foley qui connaît toute une saison, mais ça va dans le 2A, mais ça va rester quand même ça va rester un jeune lanceur, là. Ouais, c'est des jeunes, t'as Nate Pearson qui est à Donaldson également, qui est un prospect qui a été blessé cette semaine. Donc, avant de devenir un lanceur dominant, ça va prendre une couple d'années. Moi, je pense que Swarman est blessé. C'est lui ton lanceur numéro un. Puis ça fait pas. Depuis le début de l'année, puis ça a mal commencé au camp d'entraînement. Puis je pense qu'il va traîner ça toute l'année. Tu voulais parler aussi de James Paxton, lanceur gaucher des Mariners de Seattle, qui a été repêché par les Blue Jays de Toronto également. Match en point de coup sûr qui a été aidé beaucoup par la défensive, par contre. Oui, mais quand même, il faut donner le crédit à Paxton. Hein, il avait connu un match de 16 retraits au bâton dans son départ précédent. Puis c'est un lanceur qui doit s'établir pour que les Mariners de Seattle puissent passer à l'étape suivante. Je regardais depuis les dernières semaines, les Mariners jouent du bon baseball. Ils sont placés dans la course au meilleur deuxième actuellement. Puis ils chauffent au sommet de la division les Angels et les Astros dans l'Ouest. C'est un peu la surprise, je dirais, du début de saison de l'américaine. Puis pour arriver à des résultats comme ça, tu sais, Félix Hernandez, il est vraiment passé, il est plus rendu un troisième partant qu'un premier. Là. Ouais. Fait qu'il faut que ce gars-là s'établisse. Puis ce qui est le fun, c'est de voir qu'il a connu du succès récemment puis qu'il semble avoir pris confiance. Puis l'autre chose, mais ça reste aussi intéressant parce que c'est un Canadien. Donc, je trouvais ça le fun de voir qu'un lanceur canadien réalisait un match en point de coup sûr dans un environnement au Canada, à Toronto, c'était intéressant. C'était le premier lanceur canadien à avoir réussi un match en point de coup sûr. Il y a Ferguson Jenkins qui a dit non, il n'a pas réussi. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Hein? Oui, je ne sais pas. Okay. Mais ce que je sais, c'est que du côté de ce départ-là, de Paxton, tu as mentionné les qualités défensives qui ont été nécessaires. Il y a eu quelques beaux jeux pour y arriver. Mais ça a été un match, moi, quand je le regarde, mettons, de l'œil des Blue Jays, ça a été un match qui a démontré la problématique des Blue Jays. C'est-à-dire que l'offensive, elle marque des points, mais c'est un peu comme on se disait d'entrée de jeu sur l'article de Buster Olney. C'est une offensive qui marque des points quand la balle sort du terrain. Mais c'est pas une offensive qu'on a vu beaucoup cette année. Puis tu as vu des matchs des Blue Jays comme moi, Dame, faire une manche, on dit en anglais manufacture run, fabriquer des points, tu sais, à faire un coup sûr, aller voler un but, faire une bonne course sur un frappé court, des choses comme ça. Les Blue Jays font pas ça. Les Blue Jays s'installent, ils swingent le bâton, puis quand la balle elle touche le bâton puis qu'elle va loin, ben c'est comme ça qu'ils gagnent des matchs. Au début d'année, c'était Granderson qui faisait des circuits, tout ça. Donc l'équipe fait beaucoup de points, l'équipe fait beaucoup de circuits. Mais quand ces deux combinaisons fonctionnent pas, puis que les bâtons touchent pas à la balle, comme on a vu cette semaine, où les contacts sont faibles, on n'a pas aucun autre moyen de fabriquer des points. Puis encore là, ben quand tu regardes une équipe de l'autre côté, comme les Red Sox, regarde des gars comme Mookie Betts, va-t-être du côté des Yankees, regarde des gars comme Gleyber Torres, qu'on a rappelé des joueurs comme ça. Fait qu'on a de la vitesse, on a d'autres éléments qu'on amène aussi du dynamisme. On dirait que dans les Blue Jays, on en parlait au début de l'année, un des problèmes, c'est que les joueurs clés performants, c'est des joueurs qui sont vieillissants, fait qu'ils amènent des aspects qui sont plus unidimensionnels. Puis ça paraît aussi, oui, l'offensive fait des points, mais les soirs que ça fonctionne pas, le circuit, ben, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens d'en marquer. Heureusement que Guerrero Jr. s'en vient, Bo Bichette qui s'en vient aussi, puis tu as même le fils à Greg Biggio qui connaît une très bonne saison, Kevin Biggio dans le 2A. Je ne sais pas ce que c'est, et Lourdes Gurriel qu'on a vu également, qui est actuellement à Toronto. Les Jays ont un bon noyau de relève, heureusement. Parce que je te dis que c'est pas fort de ce qu'on voit. Hey, moi, je veux t'emmener sur quelque chose. Je te l'ai pas dit, mais t'as-tu vu l'article d'Evan Longoria? Oui. Comment tu trouves ça? Ça avance pas encore à Tampa Bay. Hein? Ça avance pas encore. On n'entend pas parler. Puis là, t'as le joueur probablement le plus populaire de l'histoire des Rays qui dit que le club devrait déménager. Oui. Puis c'est assez particulier, là. Oui, puis tu sais, dans le fond... Je te dirais rapidement mon opinion là-dessus. Ouais. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Longoria, lui, il dit, bon, l'équipe devrait déménager. Est-ce qu'il n'y a pas grand joueur qui aime ça jouer devant 10 000 personnes au maximum à tous les soirs? Puis, tu sais, il a dit, encore là, les 10 000 qui sont là, c'est des partisans qui sont dédiés, puis j'ai rien contre eux autres et tout ça. Mais en même temps, ce qui a aussi amené dans la discussion que j'ai trouvé intéressant, c'est le marché de Miami. Parce que dans le fond, son point à Longoria, c'était de dire, ben, tu sais, en Floride, ça marche pas. on sait que ça marche au printemps, c'est plus des gens qui vont voir les camps d'entraînement, c'est plus des, c'est comme la population qui est là, qui est plus cet intérêt-là par rapport au camp d'entraînement. Puis l'autre chose du côté de Longoria, c'est que il a dit un peu tout haut ce que beaucoup de membres de l'organisation des Rays doivent penser tout bas, c'est-à-dire que puis ça, c'est oui, on aimerait ça que les exemple les Rays déménagent à Montréal, c'est sûr, mais même à ça, s'il était pour déménager ailleurs, tu sais, prends un joueur comme Longoria, ben il a dit carrément quand même ce que les joueurs pensent, c'est-à-dire tu veux jouer devant une foule, puis deuxièmement, ben si tu joues dans un autre marché, exemple, prenons hypothétiquement l'équipe s'en va à Mexico, puis tu te ramasses à jouer devant 25 000 personnes à tous les soirs. Ben, à la fin de l'année, là, ben, c'est de l'argent qui rentre des coffres, qui est redistribué, le partage des revenus. Fait que Longoria, il a aussi parlé pour les joueurs, là. C'est-à-dire que plus il y a de l'argent qui rentre des coffres des propriétaires, plus cet argent-là est redistribué avec les joueurs, plus ils font de l'argent. Fait que quand tu joues devant 25 000 personnes en moyenne, tu fais plus d'argent que devant 10 000. Fait que il l'a emmené avec l'angle de c'est le fun d'avoir du monde puis de l'encouragement. Puis vu que ça marche pas, on devrait peut-être aller vers d'autres marchés. Mais il y avait aussi là-dedans un message d'association des joueurs qui dit au baseball majeur, emmener les équipes où il y a du monde, on va faire plus d'argent, puis c'est ça qui est supposé d'être le sport. Fait que si l'association des joueurs, il y a des joueurs vocaux qui commencent à emmener ces messages-là aussi, ça peut juste être bon pour un dossier comme Montréal. Effectivement. Bruno, on se reparle dans 15 jours. Très, très, très intéressant encore une fois. Merci, Dan. Collaborateur Bruno Boutin.